Par temps de pluie, l'adhérence des pneumatiques sur la chaussée est réduite. La distance de freinage peut alors être doublée. Mais les conditions de conduite défavorables n'ont que peu d'incidence sur le temps de réaction du conducteur. Il augmente en fonction de l'état physique du conducteur. Fatigue, alcool, drogue ou psychique. Soucis, anxiété. Réponse A et D.